Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et je suis très ravie d'accueillir maintenant Frédéric Boudreau qui est coordinateur scientifique au Centre des démonstrations en sciences physiques. Nous l'avons reçu un peu plus tôt cet automne, mais je vais lui demander quand même de représenter rapidement ce qu'est ce Centre de démonstrations en sciences physiques. Tout d'abord, bonjour Dominique. Bonjour Valérie. Donc en quelques mots, en fait, ce Centre de démonstrations en sciences physiques, on y voit quoi, on y fait quoi et qui y va? Ben, on y présente la science, idéalement de façon un peu nouvelle. En fait, on essaie de voir la science différemment de ce qu'on la voit habituellement. C'est surtout des jeunes du primaire, secondaire qui viennent, donc des groupes scolaires. On passe plus de 9000 jeunes par année qui viennent nous voir dans nos locaux. On donne plus de 150 représentations d'une conférence qu'on change chaque année. Donc, cette année, la thématique, c'est au fil de l'eau. Eau, d'ailleurs, de laquelle je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Oui. Et donc, l'eau qui boue. Oui, l'eau c'est qui ça, boue. L'eau qu'on doit mesurer, on doit mesurer la température de l'eau, et il y a là-dedans un certain Celsius qui a fait quelque chose. Voilà, ben en fait, ça fait une belle transition, on a parlé du sel puis de la glace, alors oui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Celsius, des degrés de température, mais du personnage qui est à l'origine de cette échelle de degrés qu'on appelle les Celsius, le Suédois Anders Celsius, qui a vécu dans la première moitié des années des années 1700, mais surtout du débat qui, à l'époque, concernant les thermomètres, parce que les thermomètres, bon, ça a vu le jour en certaine époque, aux alentours des années 1600. Donc, un thermomètre, qu'est-ce que c'est? En fait, ça nous sert à déterminer la température de quelque chose, évidemment. Il y a plusieurs façons de connaître la température d'un objet ou dans une situation donnée. Puis, la plus vieille et la plus intuitive des façons, c'est évidemment le toucher. Mm-hmm. Mais, c'est pas très précis, puis non, c'est pas même très fiable, en fait. Je sais pas si tu as déjà fait l'expérience, sûrement, en fait, Valérie. Ça doit dépendre de même de notre doigt, s'il est chaud ou froid, déjà, au départ. Ben voilà, en fait, quand on marche sur un plancher de bois, bon, on a toute l'expérience de marcher sur un plancher de bois, quand on arrive sur un plancher de céramique, c'est plus froid. Ah. T'as déjà fait cette expérience? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Pourtant, si tu te lèves le matin et tu t'en vas dans ta cuisine, il y a le plancher de céramique qui est plus froid. Le plancher de bois et de céramique est de la même température, parce qu'il est passé toute la nuit à la température de la pièce, qui serait à environ de 20 degrés Celsius. Pourtant, on sent la céramique plus froide. C'est vrai. Donc, l'essence, en fait, le toucher n'est pas une bonne façon de mesurer la température. Dans ce cas-ci, c'est parce que la céramique conduit la chaleur ou absorbe la chaleur du pied plus rapidement, et donc on sent que c'est plus froid. Mm-hmm. Et donc, l'autre façon de mesurer la température, c'est d'utiliser le fait que lorsqu'on chauffe une substance, son volume augmente, elle grossit cette chose-là, et donc on dit qu'elle se dilate ou qu'elle prend de l'expansion. Puis lorsqu'on refroidit une substance, son volume diminue, elle rapetisse, on dit qu'elle se contracte. D'ailleurs, on en a un exemple de ça. Quand on a des pots qu'on n'est pas capable d'ouvrir, on les met sous l'eau chaude pour que le bouchon se dilate, pour qu'on soit c'est plus vrai, facile à ouvrir. Puis aussi, quand on met une bouteille d'eau à geler au congélateur, si on remplit notre bouteille, on a un petit problème. Ah, ben là, c'est une particularité de l'eau. Dans ce cas-là, l'eau gèle et elle refroidit, mais dans ce cas-là, elle prend de l'expansion. Oui, c'est une des particularités bien surprenantes de l'eau, qui est contraire, en fait, à presque toutes les autres substances qui existent. Donc, l'eau, elle est effectivement particulière. Mais pour la majorité des substances, quand on les refroidit, ça se rapetisse plutôt. Ouais, ça, on l'entend aussi dans nos maisons. Quand on part le chauffage, les plaintes, ça fait... le cliquetis, ben c'est l'expansion du métal qui frotte sur le bois peut-être ou sur d'autres métals sur lesquels c'est fixé. Donc ça, on en a une bonne idée. Puis d'ailleurs, les thermomètres, les bons vieux thermomètres en verre, les tiges en verre dans lesquelles il y a un liquide, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mm-hmm, c'est vrai. On chauffe le petit bulbe au bout, puis le mercure, on a plus de moins en moins du mercure. Maintenant, c'est de l'alcool, avec l'alcool rouge, exactement. Et donc, ça monte à l'intérieur du petit tube. Évidemment, nous, aujourd'hui, c'est gradué, ces thermomètres-là. On les utilise, ils sont gradués. Mais à l'époque, en 1600, on appelait ça des thermoscopes, et c'était des tubes comme ça, avec du liquide dedans, mais non gradués. On pouvait donc savoir que telle chose était plus chaude, plus ou moins chaude, de façon plutôt qualitative, qu'une autre substance. Et donc, évidemment, ça crée un problème parce qu'on veut pouvoir mesurer la température de façon plus quantitative ou plus précise. Et c'est là que Anders Celsius joue son rôle. En fait, Anders Celsius, donc, si on va dans l'histoire un peu, il est né en Suède en 1701 d'une famille de scientifiques. Son père était astronome, son grand-père était mathématicien. Et donc, il a suivi un peu ses traces. Il est devenu lui-même astronome. Mais à l'époque, être astronome, ça veut dire qu'on regardait les étoiles, évidemment, mais aussi qu'on faisait des observations météorologiques. Mm-hmm. Après tout, on regardait le ciel, n'est-ce pas? Donc, Celsius s'intéressait aux mesures de température. Mais à l'époque, donc, de Celsius, il existait une trentaine d'échelles de température différentes. Ah oui? Ouais, chaque personne pouvait avoir sa propre échelle parce qu'on pouvait avoir un thermomètre, puis moi, ben, je pouvais le calibrer selon ce que je voulais. Ouais. En fait, je pouvais le calibrer avec la température du corps humain en santé. Je pouvais mettre une ligne puis dire, bon, ben, ça, c'est le corps humain en santé, puis je vais dire que c'est 0 degré Dominique. Tu sais, on les appelait comme ça. Ou 0 degré futur 5. Donc, on pouvait calibrer. Chaque personne avait ses calibrations différentes. Par exemple, on connaît bien l'échelle Fahrenheit de Daniel Gabriel Fahrenheit qui a vécu un peu à la même époque. Ben, pour Gabriel Fahrenheit, les repères qu'il a utilisés pour calibrer son thermomètre, c'était le record de froid de sa ville natale en Pologne, à Gdańsk. Mm-hmm. Bon, ça, c'était son zéro. Zéro degré Fahrenheit, c'était le record de froid. Sa température plus élevée, son deuxième repère, c'est la température du sang de cheval. Ah! Et il a divisé cet intervalle en 12 sous-unités, qui a redivisé 8 fois encore. Donc, 8 fois 12, ça fait 96. Donc, 96 degrés entre le 0 degré et le 96 degrés Fahrenheit. D'accord. Si on fait la conversion aujourd'hui en Celsius, ça fait moins 18 pour sa température, le record de froid, et 36 degrés environ pour la température du cheval. Mm-hmm. Donc, ça, c'était l'échelle de Fahrenheit. Celsius, comme il y avait beaucoup de différentes unités ou échelles, évidemment, Celsius s'est rendu compte que pour qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse dire quelque chose qui avait de l'allure, qu'on fasse des études scientifiques, qu'on puisse les comparer entre nous, entre scientifiques, ben c'était important qu'on ait toutes la même échelle pour pouvoir comparer puis dire des choses qui avaient de l'allure. Donc, Celsius va utiliser un phénomène plus universel ou des phénomènes plus universels pour calibrer son thermomètre, soit l'eau qui bout et l'eau qui gèle. Voilà. Mais aujourd'hui, la plupart des gens connaissent la température à laquelle l'eau bout et l'eau gèle. Mm-hmm. Ben, on va dire, si on est ici au niveau de la mer, ça gèle à zéro et ça bout à 100. Bon, voilà. Donc, tu parles déjà du niveau de la mer. C'est intéressant. Ça veut dire que tu sais que l'eau va bouillir à une température différente selon la pression ou l'altitude. Mm-hmm. En fait, ça, on le doit en partie à Celsius. On le savait un peu avant Celsius. On avait vu que la pression atmosphérique, évidemment, avait un effet sur la température d'ébullition de l'eau. Mais Celsius, justement, pendant ses voyages, va faire ces expériences-là. Pendant ses voyages, fait geler de l'eau, fait bouillir de l'eau. Il se rend compte qu'effectivement, plus on monte en altitude, plus l'eau bout à une température inférieure à 100 degrés Celsius. D'ailleurs, anecdote intéressante, Celsius avait mis son échelle au départ avec le zéro pour l'eau qui bout et 100 pour l'eau qui gèle. Parce qu'il voulait drôle. Pas. Ben oui, parce que les températures usuelles, c'était de moins 20 à 40, comme on les connaît aujourd'hui en Celsius, mais il ne voulait pas avoir affaire avec des valeurs négatives et positives à l'époque. Ouais. Donc, on voulait trouver des repères puis avoir une échelle qui fait en sorte qu'on ne joue pas avec des valeurs négatives. D'accord. Donc, à ce moment-là, avec 100 pour l'eau qui gèle, ben, on travaille entre 120 et à peu près 60. Ah ouais. Donc, on n'avait pas de valeur négative. Après sa mort, on a changé de ça de bord pour que quand la température augmente, en fait, les chiffres augmentent aussi. C'est plus logique, effectivement. Donc, on connaît bien que l'eau bout à 100 degrés, gèle à zéro. Celsius nous montre qu'effectivement, plus on monte en altitude, plus la température de l'eau descend, la température à laquelle elle bout. D'ailleurs, si on va sur l'Everest, au camp de base de l'Everest, à 5500 mètres d'altitude, on verrait que l'eau bout à 83 degrés Celsius. Mm-hmm. Mais Celsius se rend compte que l'eau gèle tout le temps à 0 degrés Celsius. Ah, c'est vrai. Mais si on fait... Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience-là, Valérie. Est-ce que tu as déjà mesuré la température de l'eau qui bout? Non, j'ai jamais fait ça. Ah, c'est rare parce que les gens... Oui, je ne sais pas si le thermomètre, est-ce qu'il va aimer ça? Ah, ben ça dépend quel thermomètre, évidemment. Le thermomètre usuel, là. Non, les thermomètres usuels, oui, tout à fait, ils sont capables d'aller là. D'ailleurs, la plupart du temps, ils vont jusque-là. Mais c'est rare qu'on le fait. Si on le faisait, on se rendrait compte que la plupart des scientifiques qui font des expériences, en fait, se confrontent à toute la technicalité d'une mesure. Si on fait ça, si vous faisiez la mesure de la température de l'eau à laquelle elle bout, ben vous vous rendriez compte que, est-ce qu'on met tout le thermomètre au complet dans l'eau? Parce que si on le laisse sorti, la partie qui est à l'extérieur, elle est moins chaude, c'est donc vrai. Elle est moins dilatée. Oui. Ben, est-ce que la mesure qu'on prend, elle est correcte? Ah ben oui, c'est vrai. Ah. Il y a un différentiel là, entre ce qui sort et ce qui est à l'extérieur et ce qui est voilà, dedans. Voilà, exactement. Ça? Donc, dès qu'on veut être un peu précis, il faut préciser spécifiquement quelle est la méthode qu'on utilise pour prendre la température. Donc ça, on a fait plusieurs expériences, évidemment. Je dis évidemment, c'est pas évident du tout, mais Celsius est mort assez jeune d'une tuberculose, donc c'est par après qu'on a fait beaucoup d'expériences pour montrer qu'il y avait des subtilités dans la température d'ébullition. Donc on a pris quand même comme point de repère, en fait, l'échelle qu'on appelait à l'époque suédoise, on l'a pas appelée Celsius tout de suite, l'échelle suédoise s'est disséminée, on a décidé d'utiliser quand même l'eau qui gèle et l'eau qui bout, malgré le fait que avec la pression, ça change. Il fallait donc spécifier une pression pour dire que l'eau bout à 100 degrés Celsius, et on s'est rendu compte donc, avec plusieurs expériences, que dépendant du contenant qu'on utilisait pour faire bouillir l'eau, bien, en fait, on pouvait, si c'était en verre ou en métal, on pouvait monter la température de l'eau plus haut que 100 degrés Celsius avant qu'elle se mette à bouillir. Ah! Ouais, c'est ce qu'on appelle la surébullition. Ouais, donc là, on a par exemple une température, le thermomètre indique 103 degrés par exemple, mais l'eau ne bout pas. Exact. D'accord. Et ça peut se produire dans les micro-ondes. D'ailleurs, quand on fait chauffer de l'eau dans un micro-ondes, il faut faire attention parce que le micro-ondes chauffe l'eau de façon égale un peu partout dans toute sa masse. Oui. Et donc, ça, c'est arrivé. Il y a des exemples où des gens ont mis du sucre, puis la température était au-dessus de 100 degrés Celsius. Et là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'instantanément, l'eau se met à bouillir au complet. Ouais, parce que ça sort de la tasse. Et ça sort de la tasse et ça peut nous asperger. Ouais. Le phénomène inverse existe aussi. On peut descendre de l'eau en dessous de 0 0 degrés Celsius sans qu'elle gèle. C'est ce qu'on appelle la surfusion. Mais rassurez-vous... Ça, c'est ce qui se passe quand il y a du verglas, d'ailleurs. Ah oui, oui, c'est vrai que les gouttes dans les nuages peuvent se retrouver en surfusion, effectivement. La pluie qui tombe quand on a du verglas, c'est de l'eau, mais elle est inférieure à zéro. Souvent, c'est effectivement ce qui se produit. Et ça gèle quand ça arrive sur le sol. Oui, exact. Ah, oui, remarque très intéressante, effectivement. L'eau dans les nuages est en surfusion. Parce que peut-être qu'il va nous arriver demain, peut-être. Peut-être, oui, c'est ça. Hein. On parle de température, justement, c'est approprié avec la tempête qui s'en vient. Et donc... Donc voilà, Celsius a mis en place tout ça. C'est les gens après qui ont déterminé les fins détails de tout ça. Mais aujourd'hui, en fait, je sais pas, les plus jeunes auditeurs n'auront pas connu ça, mais les thermomètres qu'on utilise aujourd'hui, ce sont des thermomètres électroniques. C'est vrai. Ouais. Donc on utilise toujours la température de l'eau qui boue et l'eau qui gèle, mais les thermomètres électroniques, c'est une autre façon de mesurer. On n'utilise pas la dilatation de liquide. On utilise à ce moment-là le fait que lorsqu'on met en contact deux métaux différents qui sont à des températures différentes, il y a un courant électrique qui est produit et on peut mesurer à ce moment-là un courant, une différence de potentiel et faire le lien avec une température. Même encore aujourd'hui, en fait, si on pousse plus loin, on utilise la lumière pour mesurer la température. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué, quand on met notre rond de poêle à maximum, ça devient rouge-orangé, on voit de la lumière qui est émise par les objets qui ont une certaine température. Mm-hmm. Si on le met à médium puis qu'il redevient noir, notre rond de poêle, il émet encore de la lumière. Par contre, cette lumière-là, on ne peut pas la voir avec nos yeux. Par contre, il y a des caméras qui nous permettent de la capter, puis ça nous permet de dire quelque chose sur la température. Les satellites, c'est ce qu'ils utilisent, qui nous permettent de donner la température de la Terre et de montrer qu'en fait, la température augmente. On parle de changement climatique ces derniers temps, beaucoup. Ouais. Et donc, effectivement, c'est cette technologie que les gens utilisent. Est-ce que c'est aussi ça qu'on voit aussi quand on voit une flamme d'une bougie, puis qu'il y a différentes couleurs? C'est parce qu'il y a différentes températures aussi dans la flamme? Oui, exact, tout à fait. Lorsqu'on est proche de la mèche, on a une couleur plutôt bleue. Ouais. C'est, en fait, dans la population en général, le bleu, c'est associé au froid. Pourtant, la lumière bleue nous indique que la température est plus chaude. Mm-hmm. La lumière jaune, la température est plus froide. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a fait le parallèle. Aujourd'hui, quand on achète une ampoule fluo compacte, on dit est-ce que c'est plutôt blanc froid ou blanc chaud? Ben, le blanc froid réfère à une certaine température qui est exposée en Kelvin, donc 6500 Kelvin, alors qu'une ampoule plutôt de couleur chaude va être de l'ordre de 2700 Kelvin. Et ça réfère un peu à la température des étoiles. Quand on regarde les étoiles, une étoile qui est bleue va être beaucoup plus chaude, alors qu'une étoile qui est plus jaune va être plus froide. Ouais. En fait, c'est quand même assez impressionnant tout ce qu'on peut dire sur l'eau. Oui, et la façon de mesurer l'eau, la température de l'eau. D'ailleurs, peut-être juste une petite parenthèse, le sel sur la glace, ça fait diminuer le point de fusion de la glace. Et donc, ça fait fondre la glace parce que c'est rendu un mélange, c'est plus de l'eau pure. Et donc, on peut avoir de l'eau à moins 18 degrés sans qu'elle gèle. Mm-hmm. Exact. Voilà. Ouais. On va cesser là-dessus, Dominique. J'ai vraiment été sidérée par tout ce qu'on peut dire sur l'eau qui boue et la façon de la mesurer avec la lumière et d'autres méthodes. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, Valérie. Donc, je rappelle que Dominique est coordonnateur scientifique au Centre de démonstration en sciences physiques au Cégep Garneau. Enfin, une pause musicale sur CKRL. Et au retour, on vous revient sur un tout autre sujet. On vous parle des OGM.